vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à cette deuxième balado-diffusion de... J'ai de la misère avec balado-diffusion, hein? C'est pour ça qu'on dit podcast. Voilà, ouais. Alors, bienvenue à cette deuxième balado-diffusion de Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Et Mathieu Bouillon. Salut Fred, salut Antoine, salut JP. Salut. Salut Mathieu. Salut. Salut. Salut. Alors, deuxième balado-diffusion, on a eu beaucoup de commentaires sur le premier, merci. Non, en fait, vous nous écrivez des problèmes et nous, on tente de trouver des solutions. C'est ça un peu notre podcast? Non, on tente pas, Fred. On trouve des solutions, parfois originales, un peu en dehors de la boîte, comme disent les Américains. Voilà. Mais on en trouve. Donc, est-ce qu'elles sont bonnes? Oui. Oui, excellent. Oui. Parfois, on a des solutions plus magiques, des solutions à gros budget ou des solutions trop compliquées. Oui, voilà. Donc, et des solutions évidentes. Oui. Mais nous, on va essayer de chercher plus loin que les solutions évidentes. Mmh. Et on va commencer avec un problème aujourd'hui qui nous vient, Jean-Philippe. Oui, qui nous vient de la page Facebook du groupe. D'ailleurs, vous pouvez accéder à la page Facebook du groupe Pas de problème, hein, marquant Pas de problème dans la recherche Facebook. Ou chercher Paul Problème, notre mascotte. Oui, la mascotte. On sait pas c'est qui. Non. Donc voilà, je vais vous lire un problème. C'est un problème assez personnel. C'est ça. Je vais vous lire ça. Bonjour, Pas de problème. Je viens de raccrocher avec ma mère au téléphone. J'ai jamais le temps de placer un mot. Les appels peuvent durer de 30 à 45 minutes. C'est insupportable. Les gens pensent parfois que je suis en attente avec une compagnie. De plus, elle me pose des questions, mais n'écoute pas les réponses. Ou bien pire, y répond elle-même. Voyez? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ose même pas l'appeler pour un petit truc de recette. Je sais que l'appel sera interminable et que j'aurai les historiques de tous les cousins des enfants, des amis, des voisins, de mes parents. Que dois-je faire? Merci, pas de problème. Et c'est signé une gentille fille qui a besoin de votre aide. PS, par respect pour ma mère, prière de garder l'anonymat ou opter pour Greta. Oh. Merci. Donc, nous l'appellerons Greta. Oui, évidemment, vous pouvez écrire à Paul Problème ou les membres si jamais votre problème est trop personnel, compromettant. On va garder l'anonymat de la personne qui nous pose le problème. Oui. Jean-Philippe, des solutions? Mais donc voilà, des solutions. Écoutez, je sais que c'est un gros problème pour Greta, puis c'est difficile parce que ça reste une question émotive, étant donné que ça reste sa mère. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui faisait un sondage ou de la sollicitation, où là, on se fait un plaisir d'envoyer promener souvent. Mais là, ça reste sa mère. Donc, quoi faire avec ça? Greta, écoute, a beau trouver ça difficile, cette situation-là, est loin des appels les plus longs, parce que après recherche, j'ai vu que l'appel le plus long de tous les temps... Le record a été établi le 1er novembre 2005 entre Sandra Cobel et Stéphane Hafner en Suisse, et ça a duré 39 heures de temps. Oh. Bravo! Bravo, hein? Félicitations, un appel de 39 heures. Hey, avec un Suisse, ça devait être plate. Hein? Ça devait être épouvantable. Ils ont dû parler de tennis. Chante, oui. Et on salue nos auditeurs suisses. Oui, hein? Nombreux. On est disponibles dans toute la francophonie. Ouais. Ben, écoutez, moi, j'ai une petite solution, mais c'est une solution qui est plus basée sur une espèce d'observation que j'ai faite. Et après mes recherches, disons, la durée des téléphones au cellulaire est beaucoup moins longue que les téléphones fixes. Ah, oui. C'est prouvé, il y a eu des sondages là-dessus. Donc, peut-être si Greta reçoit ses téléphones sur son cellulaire, ça va peut-être être plus facile d'expliquer à sa mère déjà. Ou offrir un cellulaire à sa mère aussi. Ben, c'est ça, offrir un cellulaire à sa mère, comme ça, sa mère aurait à payer les minutes de plus, tout ça. Donc, peut-être. Une première solution. Oui, ça, c'est la solution pour écourter. Oui, la chose, parce qu'il y a aussi le problème de se faire écouter dans la conversation. Mais tu voulais, toi, Antoine, non, tu voulais parler... Non, mais ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'on peut attaquer l'objet même de la communication. Donc, d'utiliser d'autres moyens de communication pour poser ces questions pour des trucs de recettes par mail, par exemple. Oui. Mm-hmm. Ou même si on a un très long texte, on peut faire une recherche à l'intérieur du texte pour trouver uniquement la recette, par exemple. Tout à fait. Évidemment, la bonne vieille lettre, la poste, pourquoi pas? Mm-hmm. Hein, ça peut être agréable, sa calligraphie. Par Internet, Skype. Skype. Mais de voir sa mère, peut-être que là, on voit que. C'était une réactions... de mes solutions. Oui, c'est ici le langage. Non, ne t'excuse pas, c'est intéressant. Le langage non-verbal au téléphone, on ne sait pas comment notre interlocuteur réagit. Oui. Mm-hmm. Donc, il trouve la conversation ennuyante ou non, ou veut parler. Est en bédaine. Est en bédaine. Oui. C'est sûr que de voir sa fille dormir ou baver pendant qu'elle part. Un chapeau gênant. Ou pleurer. fera... OK, vous faites juste des jokes? Oui. Fera oui. peut-être oui. réagir sa mère. Oui, donc, la webcam, ou encore, donc, le courriel, le texto, le télégramme, malheureusement, qui est disparu, sera peut-être des solutions. Ouais. Mais Antoine, en personne. Ouais. Moi, je t'en voudrais de ne pas mentionner les signaux de fumée aussi comme un moyen de communication alternatif. Parce que c'est jamais long, une conversation de signaux de fumée. T'sais. C'est très court. C'est très court, habituellement. Fait que ça, c'est une bonne solution pour Greta, je pense. Ben, télégraphe. Oui, c'est bon, ça aussi. Oui, c'est faux de l'apprendre. Ou bon. Un télégramme chanté. Oui. Oui. Mais là, bon. C'est moins personnel. Ouais. Mathieu? Oui, ben moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est peut-être que le problème vient d'un problème d'écoute. En fait, c'est peut-être la mère. Hein, parce que tu disais, Jean-Philippe, que Greta mentionne qu'elle parle et que sa mère ne l'écoute pas. Donc, j'ai fait des recherches pour savoir comment améliorer l'écoute. Et j'ai deux solutions qui en sont découlées. Premièrement, un examen de l'oreille, tout simplement. Peut-être que sa mère a une audition qui est moins bonne que les autres. Peut-être qu'elle a j'allais dire, du sémen dans l'oreille du sémen humain. Mais on la salue quand même! Bonjour, madame. Peut-être qu'elle a l'oreille sale aussi. Hein, donc, des bons cure-pipes. non, cure-oreille, pardon. Des bons cure-oreilles. Ouais, ou des cure-pipes. Elle fume peut-être la pipe, ça, voilà. Sa mère. Elle fume la pipe. Donc, ça peut être intéressant. Et sinon, j'ai trouvé sur Internet une formation continue qui est donnée par l'Université de Nancy, ou est-ce de Nancy, je ne suis pas sûr. L'Université de Nancy, c'est une formation continue de 3 jours et de 18 heures qui s'appelle « Améliorer son écoute pour mieux communiquer ». Et bon, j'avais là toute la description du programme et c'était même écrit à la fin de la description qu'il peut y avoir utilisation du caméscope si souhaité par les participants. Donc, on pourrait filmer la mère de Greta en train de ne pas bien écouter. Donc, mais ça sera jamais aussi drôle que l'Université de Nancy. L'Université de Nancy. Voilà. C'est elle qui donne un cours. Moi, je pense qu'il y a un aspect qui m'intéresse, qui m'intrigue là-dedans. C'est justement le fait qu'elle répond pas, ou du moins écoute pas les réponses de sa fille, de Greta. Et puis, il y a un animateur de radio américain qui, lui, bon, t'en as parlé tantôt, Jean-Philippe, quand il reçoit des appels de compagnie ou tout ça, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, même que, je sais pas si on peut le trouver sur le web, il se fait passer pour un agent de police dans un appartement où il y a eu un meurtre, puis là, il fait dire au télémarketeur, comment on dit? Télémarketeur. Oui. Il fait dire, connaissez-vous cet homme? Nanana. Là, vous savez que c'est une scène de crime ici. Puis là, l'autre, la personne à l'autre bout du téléphone capote. Alors, ça me fait penser à peut-être forcer des situations où sa mère doit réagir d'une façon. Comme, je sais pas, moi... faker un feu, c'est peut-être exagéré, mais il y a peut-être de quoi là-dedans. Bien, quelque chose de moins drastique que le feu, peut-être. Je te remercie, Jean-Philippe. Il y a une situation ici intéressante où dire qu'on cuisine dès le début du téléphone, mettre une minuterie, disons, de 4 minutes ou quelque chose comme ça, puis quand ça sonne, c'est fini, on raccroche. Il y a quelque chose aussi, semble-t-il, qu'en conversation... c'est la pire idée du monde. Semble-t-il qu'en conversation, c'est intéressant de donner un deadline dès le début de la conversation. Fait que si jamais la mère appelle, c'est possible de dire « Maman, je vais te parler, mais j'ai juste 2 minutes. Faut que dis-moi ce que tu veux dire, tout ça, on va se parler. » Mais après 2 minutes, on fait d'autres choses. Comme ça, ça a l'air moins arrogant, c'est moins méchant pour nos mères, disons, que de le dire à la fin, « Excuse-moi, faut que je te laisse, j'ai mieux à faire que de parler. » Mais de créer... Moi, quand je parlais de créer des situations, c'était pas nécessairement... c'est pour la faire réagir, pour qu'elle écoute. C'est plus comme... Je suis blessé, je suis blessé. Je me suis fait mal à la jambe, je suis tombé. Tu sais, tu fais que tu tombes. Là, tu cries ça un peu. Ça peut se faire. C'est tester l'écoute. Oui, c'est ça, c'est tester l'écoute. Ouais. Si elle ne réagit pas, là, il faut peut-être aller chez Nancy. Chez Nancy, là. À l'Université de Nancy. Ouais, à l'Université de Nancy. Ouais. Ou je pourrais y présenter mon père qui a des conversations de 1 minute et demie au téléphone. Ah, c'est bon. Ah oui, magnifique, mon père, je salue. qui nous écoute probablement pas. Mais d'ailleurs, ben, ça me fait penser peut-être qu'elle pourrait lui faire goûter à sa médecine, Greta. T'sais, un jour, là, inverser les rôles vraiment, puis ne pas écouter ce que sa mère dit pantoute, puis se mettre à parler énormément. Comme ça, sa mère verrait peut-être ce qu'elle lui fait vivre à tous mais les ça, jours. Mais ça, Mathieu, ça crée pas... Ben, un conflit, mais un rapprochement après. Ouais. Non, sûr. Mais écoute, là, après différentes étapes, là, peut-être qu'elle est rendue là, elle doit confronter. Confronter. Jeannette, oui, Bonprin, serait pro cette solution-là, je pense. Mais si quelqu'un te frappe, est-ce qu'il faut que tu le frappes avant de le confronter? Ouais, ça, genre. Chou! C'est juste à moi qu'il y a des choux de Jean-Philippe. Ouais. Le frappage. Est-ce qu'on a d'autres solutions, messieurs? Moi, ça s'arrête là. Je pense que j'ai tout donné pour Greta. Ben moi aussi, ça fait le tour. Ouais. Parce qu'il y a une limite à donner des excuses aussi. Puis c'est sûr que faut le gros problème là, de ça, il faut confronter. Puis aussi, si cette personne-là t'aime, que ce soit ta mère ou quoi que ce soit, ben, je pense qu'elle peut comprendre. Là, ouais. Disons que t'as pas le temps ou tout ça. Mm. Fait que je pense que c'est de la confronter directement. Moi, ce serait ça la solution. Solution préférée oui. Ou la meilleure selon toi? Antoine? Moi, je garde mon idée du télégramme. Très bien. Non, oui? Sérieusement, moi, je pense que tu y raccroches ton nez deux, trois fois, pas ma mère va comprendre. Ah? C'est ce que j'ai fait avec ma mère. Elle ne m'appelle plus. Salut, Huguette. Salut, Huguette. Mm. Ben, moi, vous devinerez, j'ai tellement cherché que c'est l'Université de Nancy. Je trouve que c'est un cours qui est hyper pertinent. Et en plus, il y a une utilisation du caméscope. C'est, garde, 100% cette solution-là. Moi, personnellement, ce serait de maximiser les rencontres face à face. Et de minimiser les rencontres, les appels téléphoniques. Mm-hmm. Voilà. Peut-être même jeter son téléphone. Bon, ben c'est beau, je vais dire ça à Greta. Merci, les gars. J'espère qu'elle écoutera ce podcast et saura quoi faire avec sa mère. Évidemment. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez nous écrire sur notre groupe Facebook, notre page Facebook, Pas de problème, ou essayer d'être ami avec notre mascotte, Paul Problème. Bon, j'ai essayé très dur, Paul, d'être ami avec. Oui, il est capable. Oui. Okay. Le prof, moi. Du moins, il peut te référer au groupe, Pas de problème. C'est sûr. Ouais. Et merci d'avoir écouté notre podcast. Et d'ici là, vous avez un problème, nous avons un podcast. Oh, juste avant de partir, j'ai dit la phrase de la fin, mais j'ai oublié de mentionner part de nos deux amis et de Sonar. Olivier et Vincent. Merci beaucoup, merci Olivier et Vincent, de la prise de son. On enregistre tout ça chez Sonar. Non, c'est pas dans un sous-sol... quelconque. Même c'est pour si ça que ça sonne comme... Non, ça sonne super bien. Ça sonne... On est dans un jacuzzi en chest. Je suis dans du duvet d'oie en plantant des chats. Oui. Ah. Et Antoine, le mot de la fin? Alors, vous avez un problème? On a un podcast. Magnifique.